éveillée, mais comme en rêve. Très lentement, j'ai revu devant moi les visages enfermés dans mon cœur, les images de que j'avais cru. Alors j'ai compris qu'aujourd'hui l'amour était venu. Rien ni personne comme toi, rien ni personne avant toi, rien ni personne. Et c'est ainsi que je sais. Je sais que j'aime mon amour, c'est toi que j'aime mon amour, et je découvre